وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ C'est en vérité un rappel pour les pieux. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ Et nous savons qu'il y a parmi vous qui le traitent de menteur. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ Mais en vérité, ce sera un sujet de regret pour les mécréants. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ C'est là la véritable certitude. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très Grand.